Monsieur Guest, instituteur à Tamanrasset dans le Hogar, est venu nous rendre visite. C'est que nous correspondons avec ses élèves sédentaires de l'Oasis. Monsieur Guest a été un des pionniers des écoles nomades sahariennes. Il a suivi pendant 3 ans une tribu Touareg, vivant sa vie et faisant classe sous tente. Il est un des rares Français à posséder une connaissance profonde de ces nomades et il connaît toutes les difficultés de ces régions désertiques. Nous l'avons interviewé. Quelles sont les difficultés de la circulation au Sahara? C'est une des premières questions posées. Eh bien, le voyage en auto, quand ce sont des voitures légères, peut durer 6 jours. À Tamanrasset. Combien de kilomètres? 2100 kilomètres. Les premiers 600 kilomètres sont relativement faciles, c'est une route bitumée jusqu'à Gardaïa. Ensuite, après Gardaïa, on attaque vraiment le désert, la piste de sable. Alors cette piste de sable, suivant les terrains et suivant la région, est très différente. Elle est parfois sableuse, elle est parfois dure, elle est parfois coupée d'ouettes, elle monte, elle descend, il y a à peu près tous les inconvénients de la route. Les autos qui roulent dans le désert, ce sont les jeeps et il n'y a pas d'autres voitures employées? Oh, il y a une infinité de marques de voitures employées. Comme auto légère, il y a les jeeps Land Rover, les jeeps américaines, les jeeps Willys. Il y a maintenant pas mal de savanes, les savanes de Renault, les savanes de Pont. Il y a des deux chevaux. La deux chevaux commence à pénétrer pas mal dans le désert. Le seul inconvénient qu'elle ait, c'est que ses pneus ont une toile trop fine et les silex, les pierres de la route, transpercent très facilement. Maintenant aussi, une deux chevaux ne peut pas supporter plus de 2 voyageurs avec leur bagage. Il y a des côtes dans la montagne du Hogar, la Sécrème, qui sont plus de 15%. La deux chevaux ne peut monter qu'en la débarrassant de ses bagages. Et même le chauffeur est obligé de descendre, de tenir le volant à la main et de tirer l'accélérateur avec une ficelle. Et de la pousser. Comme ça, il arrive à grimper. Et les camions passent par cette route-là? Ah non, pas tous les camions. Ah non. Oui, ça n'est pas une route. C'est une route touristique. Ah oui. Certains commerçants indigènes sédentaires de Tamanrasset ou d'autres oasis possèdent leur camion. Mais le chameau, qui est un dromadaire d'ailleurs, reste le vaisseau du désert et des chansons targhies vantent ses exploits. Quittons l'école de plein air de Chanteloup où a été effectuée l'interview et transportons-nous à Tamanrasset. Monsieur Guest a enregistré dans des conditions techniques difficiles, vous l'imaginez, Brahim Ben Haymouda, âgé de 11 ans, qui chante une de ses chansons de chameau. Je vais vous raconter une histoire d'un chameau qui est venu d'une caravane qui est presque morte. Lai chandaima, lai chandaima, lai chandaima, lai chandaima, lamas jardaima, lai chandaima. Chandaima da la mazjardaima, lai chandaima ton zakandaima. Lorsqu'on circule dans le désert, rencontre-t-on des ponts pour traverser les rivières? À partir de cette question anodine de Michel Cartier, école de plein air de Chanteloup, M. Guest, instituteur à Tamanrasset dans le Hogar, nous a fourni des renseignements passionnants pour nous Européens sur ce fleuve mystérieux qu'est l'Oued. Ici, les rivières et les fleuves sont des cours d'eau qui coulent constamment. Là-bas, il n'y a pas de ce qu'on peut appeler de rivière ou de fleuve, ce sont des lits d'oued, mais l'oued est toujours sec. L'oued coule toujours en période de crue seulement. Donc il n'y a pas de pont. Quand l'oued coule, on ne passe pas, on attend. Ça peut durer des journées? Ça dure quelquefois des semaines. Les camions restent de l'autre côté de l'oued et attendent. Oui, il y a beaucoup de gazelles. Je crois avoir envoyé des cornes de gazelles. Oui, ici, je crois. Oui, il y en a des cornes de gazelles dans la Il y a beaucoup de gazelles, oui, mais les gazelles ne s'approchent pas des centres habités par les hommes. Les gazelles courent les grands regs. On se demande d'ailleurs comment elles font pour se nourrir. Et il y a des troupeaux de gazelles sur des grands regs, de grands regs nus où il n'y a absolument rien à manger. On prend la gazelle à la course en auto ou bien à pied, mais il faut être un excellent chasseur. Il faut marcher à 4 pattes pendant 10 kilomètres. Et c'est très pénible, surtout en portant son fusil. L'impression la plus terrible qu'on peut avoir, c'est l'impression de se sentir perdu dans un désert. On frise la folie très rapidement. Et on est capable de faire un tas de sottises qu'on ne ferait pas du tout à sang-froid. Faut d'abord, pas y rester trop longtemps. Il faut pas y rester trop longtemps, oui. Mais une journée de voyage, quand on a chaud, quand on a soif, quand on a faim, quand on ne reconnaît plus sa route, quand on croit s'être perdu, quand le chameau refuse d'aller dans certains sentiers et qu'on ne reconnaît plus le sol, on devient vite nerveux et on s'use bien davantage, justement en se laissant aller à ce désarroi, plutôt qu'en résistant aux difficultés physiques et climatologiques. Ouais, il faut avoir un rôle de caractère. Oui, il faut reprendre son sang-froid, voir les choses d'une façon claire et logique, essayer de reconnaître le terrain, ou alors, si on ne reconnaît plus, revenir sur ses propres pas. Je sais pas. Tout est bien qui finit bien. Et M. Gast et ses élèves auront encore le loisir de nous faire parvenir d'autres enregistrements qui nous permettront de mieux connaître la vie quotidienne dans ces régions. Vous entendez en ce moment un chant collectif chanté par les mêmes élèves qui s'appelle Sarah. Cette danse se pratique le soir au clair de lune. Chacun est muni d'un bâton et chacun croise ce bâton avec un autre camarade en tournant sur lui-même au milieu d'un grand cercle.